要不要更散？Da qualquer sonhar são como a noite que cai no teu olhar, o azul do céu onde sei que nunca vou chegar. Et oui, c'est l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel et on se doit de lui fêter son anniversaire comme il se doit. Pour ça, nous organisons une soirée fado, uma noite de fados, le samedi 30 novembre à 20h, à l'espace Arc-en-Ciel, au 266 Faubourg Vanier, à Fleury-les-Aubrais. Avec les voix du fado, as vozes do fado, com os fadistas Mathieu Domingues, Lúcia Araújo. Na guitarra portuguesa, Manuel Miranda. Viola de fado, João Filipe. Le début et la fin de la soirée sera animé par le trio Luso Latino. Au menu, apéritif gourmand, bacalhau à rade, fromage, dessert, café. 35 euros l'adhérent, 40 euros le non-adhérent, hors boisson. Réservez vite au 02 38 43 50 09 ou par mail arcenciel.iota@gmail.com. Attention, place limitée. Alors, réservez vite la soirée fado du 30 novembre pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. L'association franco-portugaise de Gien organise le samedi 30 novembre à partir de 20h30 une grande soirée dansante. L'ouverture de celle-ci se fera avec le groupe folklorique Ronda Típica. Elle sera également animée par le groupe Capa Negra, mais sans oublier, venu directement du Portugal et rien que pour vous, l'artiste Luís Filipe Reis. Vous avez la possibilité de réserver. Pour cela, appelez le 02 38 38 16 64 ou bien le 06 33 01 83 00. Vous pourrez également déguster quelques spécialités portugaises. Alors rendez-vous le samedi 30 novembre à la salle Cuiri au 32 rue Georges Brassens à Gien. Caçámos cá na aldeia e fomos para Paris. Mas não saiu da nossa ideia essa noite feliz. Agora, quando chega agosto, fazemos férias por aqui. Voltamos ao mesmo lugar e cantamos assim. Ainda me lembro da nossa paixão. Beijo ao luar, das dunas da praia com sabor a mar. Ainda me lembro, em cada sol pôr, da noite de verão que fizemos amor. Agosto tão lindo, vivemos os dois, e uma flor nasceu 9 meses depois. Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute!

voilà, c'est fini. Nos deux mains se desserrent de s'être trop serrées. La foule nous emporte chacun de notre côté. C'est fini. C'est fini, je ne vois plus au loin que ta chevelure nuit. Même si je m'aperçois que c'est encore moi qui te suis. C'est fini. C'est fini.

pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà, ben je vous laisse avec le blues. I wanna kiss you just before you open your eyes. You say you want a diamond ring just to stay with me. You say to give up everything. I just wait and see. I've been waiting for so long, please stay with me. Oh yeah. I wanna wake up in the morning, wake up with a smile. I wanna hear you softly breathing, right here by my side. I wanna kiss you just before you open your eyes. You say you want a diamond ring, just to stay with me. You say to give up everything, I just wait and see. I've been waiting for so long, please stay with me, oh yeah. Thank you. come on in. You might run across some of your old friends. In all your loneliness, I'll try to soothe. Play the blues for you. Yeah. Et voici donc, il s'appelle Claude Nougaro, et puis juste après lui, on va faire un petit tour avec Nicoletta, Dalida, et puis aussi du rock. Le pied sur une berge, vierge, il faut tourner la page, toucher l'autre rivage, littoral inconnu. Nu, et là enlacé l'arbre, la colonne de marbre qui fuse dans le ciel, tel que tu quittes la terre vers un point solitaire, constellé de pluriel. La page, redevenir tout simple comme ces âmes saintes qui disent dans leurs yeux mieux que toutes les facondes des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu. Il faut tourner la page, jeter le vieux cahier des charges. Oh yeah, il faut faire silence, traverser d'une lance qui fait saigner un sang. Il faut tourner la page, aborder le rivage où rien ne fait semblant. Saluer le mystère, sourire et puis se. C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Combien de temps reste-t-il maintenant? Combien de jours? Combien d'amour pour oublier qu'on s'est aimé? Combien d'endroits vivre sans toi et de souvenirs? Faut détruire pour oublier qu'on s'est aimé. Combien de fois dire ton nom pour qu'il ne soit plus ton nom à toi?

fané pour laisser place à l'instant au sourire de l'amour. De

Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici donc Pomme, et puis juste après, les Crooners. Qui pourra dire un jour si c'était une chance pour Jane et John de se croiser en chemin? Qui pourrait dire de l'amour quand il est immense, si c'est la caresse ou le coup du destin? Moi j'en sais rien. Dans les yeux de Jane et John ont brûlé tant de feux de joie, entente qui résonne, les coups tirés de sang-froid. S'aimer comme personne et n'aimer personne en retour, voilà pour Jane et John la seule idée de l'amour. Est bien sûr que l'histoire, comme souvent, finit mal. Amoureux fous jusqu'à la dernière balle, Jane et John. Dans le grand mirage que sont nos existences, qui peut savoir ce que demain nous prédit? Un mauvais virage et vient le grand silence. À quoi ressemble une vie réussie? Moi j'en sais rien. Dans les yeux de Jane et John ont brûlé tant de feux de joie. Entends-tu qui résonne et pour tirer de sang-froid? S'aimer comme personne et n'aimer personne en retour. Voilà pour Jane et John la seule idée de l'amour. Est bien sûr que l'histoire, comme souvent, finit mal. Amoureux fou jusqu'à la dernière balle, Jane et John. John, de se croiser en chemin, moi j'en sais. Love you. Voici donc eh bien, les Crooners, et puis juste après eux, tout simplement, on va faire un petit tour avec la nouveauté, avec Michel Delavaux, tout simplement, en duo. I can't give you anything but love, baby, that's the only thing I've plenty of. You dream a while and you scheme a while. You're sure to find happiness and a guess. Well, all the things you think that are pine for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, full worth, won't sell. Till the lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything but love. See you looking swell, love you, baby.

Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant. Souviens-toi de toi et moi. C'était hier. On dansait sur cette terre. Souviens-toi de notre danse, belle romance, follement amoureux. Toi et moi, nous étions pleins d'insouciance. Notre bonheur crevait les yeux, on était heureux. Mais un jour d'hiver, tu es parti. Dans le matin gris, reste avec moi, le temps va pas. Je t'en supplie, entends ma prière. Tu n'avais pas le droit de me laisser seul dans le froid. Oh, je t'en prie, reste avec moi. Je te jette pas la pierre. Reviens-moi vite. Je t'ai pardonné. Danse avec moi, comme autrefois, comme la première fois qu'on était amoureux. Il était une fois, jure-moi que cette fois on restera tous les deux. Tu me protégeras, me prendre dans tes bras. Plus jamais t'en iras, plus aussi loin de moi. Plus jamais ne faut pas. Reprenons la cadence sur quelques pas de danse. Plus rien n'a d'importance et que tout recommence. C'est notre jour de chance, il est plein d'espérance. Fais-moi tourner la tête au son des castagnettes. Fais-moi tourner la tête, c'est un grand jour de fête. Plus jamais ne s'arrête, plus jamais ne s'arrête. Danse avec moi. Comme la première fois qu'on était amoureux. Il était une fois, jure-moi que cette fois on restera tous les deux. Tu me protégeras, me prendra dans tes bras. Plus jamais t'en iras, plus aussi loin de moi. Plus jamais ne crois pas. Dis-moi que cette fois, plus jamais notre amour ne s'arrête. Why you? C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel. Voici donc bien les chansons portugaises et puis juste après Louis Chédid. Pensei dia visitar a Califórnia. Em São Francisco, da maravilha vi. A sua ponte fez-me pensar que ainda estava a ver a ponte de Lisboa onde parti. Em São Lourenço, São José e Santa Clara, eu vi jardins verdejantes de um mar. Vi pescadores, céu azul, praias douradas e o sol brilhante na Califórnia beijar. Oh, Califórnia, terra linda, linda como tu, ainda mais linda. Que a pátria querida tem longe de ti. Oh, Califórnia, terra linda, linda como tu, ainda mais linda não vi. Oh, Califórnia, doce pão da vida, dos que a pátria querida tem longe de ti. Vi portugueses sem fim e romarias à moda bem portuguesa. Em cada lar vi conforto e alegria. Vi muitas flores, pão e vinho sobre a mesa. Ai, São Francisco, São José e Santa Clara. Ai, São Lourenço, terra que eu tanto adorei. Ai, Califórnia, terra linda lá distante. Tua beleza nunca mais esquecerei. Oh, Califórnia, terra linda. Que a pátria querida tem longe de ti. Oh, Califórnia, terra linda, linda como tu, ainda mais linda não vi. Oh, Califórnia, doce pão da vida, dos que a pátria querida tem longe de ti. Thank you. tu ainda mais linda não vi. Oh, Califórnia, no sertão da vida, busque a pátria querida, tão longe de ti. Oh, Califórnia, terra linda, linda, como tu ainda mais linda não vi. Oh, Califórnia, no sertão da vida, busque a pátria querida, tão longe de ti. Scénario, trop plan de toi dans ton berceau.

gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sur le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi, à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des mini, des grands et des petits. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Moi, à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bisous en couleur qui viennent du fond du cœur. Des bisous roses et bleus pour qu'il soit très heureux. Des bisous jaunes et blancs pour qu'il soit très content. Des bisous partout. De lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la vie aux yeux lourds. Au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, et puis voici donc les chansons tout simplement flamenco, et puis aussi avant Gypsy King, mais tout simplement avec Gypsy Dance. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. De feu qui circule dans le sang, de père en fils en héritage, pour le peuple gitan. El tempo gitano, el tempo con las manos, el ritmo flamenco, el ritmo con las manos. El tempo gitano, el tempo con las manos, el ritmo flamenco, el ritmo con las manos. Somos gitanos, caminera, somos gitanos, de mi familia, yo con la quiero, yo con el negro, para ellos canto, de que la vida es caminera. Avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel! Il a toujours l'air heureux, les chagrins lui n'en veut pas. vieille chatte au milieu d'un feu. Italo, Italo, Italo, Italo. Puede partirse el corazón, lo que te dio es la verdad, respetando la amistad. Italo, Italo, Italo, Italo. Lejos de ti no está. Il aurait pu être un grand matador. Loro Vargas. Mon ciel c'est le sien. Je suis comme lui. J'ai plus de pays. J'ai plus de maison. Je n'ai plus de nom. C'est toi qui as raison. Il y a plein d'horizons. Gitano soy. Gitano soy. Gitano soy. Gitano, un peu renard, un peu loup, il sort le jour ou bien la nuit. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Gitano, Gitano, Gitano, Gitano. Tu ne connais pas, il a le cœur au portico. Primo, primo, tiens un mondo. Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano. Je connais pour toi. Voici donc retour avec le rock et puis juste après le disco. Un nouveau jour se lève dans tes bras, une douleur quotidienne s'est posée sur moi. Chaque seconde est une peine trop dure à prononcer. J'essaie du bout des lèvres, je n'ai rien à cacher, car c'est m'ont brisé la voix. Je ressens ta colère qui ne fait que monter. Les mains levées au ciel pour me protéger. Chaque jour qui se passe, je me sens prisonnière. J'aimerais un peu d'air, arrêter de saigner, car c'est long.

oui, bien sûr, et même j'en suis seul. Parle-lui de toi et elle saura comme tu l'aimes. Papa, dis-moi, c'est comment le ciel? Où est maman? Je me serrais fort contre elle. Au ciel, brille une étoile, sa lumière me dit ce soir qu'un ciel c'est fort. Au ciel brille une étoile. Tout ira puisque papa est là. Elle ne pleure, non, il n'est pas question. Que papa est là, elle le pleure, non, il n'est pas question. Oh non, dors bien, papa t'aime, chérie. Je suis là. Et toute la vie, je serai avec toi. Voici donc, eh bien, le disco. Yeah.

Ils aiment leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Au nord, c'était les cons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Voilà, après les chansons françaises, voici donc eh bien, le folklore et puis juste après le pop. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Pas de pluie à Paname, pas de coup tam-tam, pas d'orage en vue sur les avenues. Pas de train qui démarre, pas de coup de cafard. Les idées qui passent font comme de la glace. Pour une fois, I'm Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur. Voici donc du pop rock avec Lily Harmony et puis juste après Porty. Me dit éclaire, moi j'ai appris chaque jour de lui. Teus olhos perdidos. perdido fiquei e tenho a certeza que logo te amei. Perdi-me por ti quando te encontrei. Achei-me em teus braços quando a ti me dei. Turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu e mais ninguém. Turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu és o meu bem. Turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu e mais ninguém. Turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu és o meu bem. Loucamente, quero que tu saibas, contigo é diferente. Ter o teu carinho, sentir teu calor, é ter a certeza que é meu o teu amor. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu e mais ninguém. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu és o meu bem. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu e mais ninguém. Só tu és o meu bem. Na luz dos teus olhos perdido fiquei e tenho a certeza que logo te amei. Perdi-me por ti quando me encontrei. Achei-me em teus braços quando a ti me dei. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu e mais ninguém. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu és o meu bem. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu e mais ninguém. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu és o meu bem. Só tu és o meu bem. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu e mais ninguém. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu és o meu bem. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu e mais ninguém. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Só tu és o meu bem. Turu, turu, turu, turu. Arc-en-ciel. Donc cette chanson, tout simplement, qu'on va annoncer les émissions pour tout simplement aujourd'hui et pour demain. Donc à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe et puis l'émission Electric Shock. Et puis juste après, entre 21h jusqu'à 23h, un autre Christophe avec l'émission Electro Live. Et puis demain, nous serons mercredi à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor. Voilà aussi cette chanson-là qu'on va se quitter, tout simplement, parce que bientôt 17h, et bien, fin de l'émission. Voilà, on va se retrouver donc eh bien, mardi prochain, puis ainsi on se retrouve vendredi à partir toujours de 13h30 jusqu'à 17h, et puis ainsi dimanche pour l'accordéon. Nous ne sommes pas encore là, nous sommes déjà mardi, mais donc on se retrouvera donc mardi et donc eh bien, vendredi. Voilà, bonsoir à tous, à vous toutes.